Backstage, les coulisses du son. Vous écoutez Backstage. Eh bien, bien le bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices d'RQC 95 FM, avec vous jusqu'à 10h30. Scream pour l'émission Backstage. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un album de Jean-Jacques Goldman qui s'appelle tout simplement Entre gris clair et gris foncé, qui est sorti en 1987. Juste avant de commencer les coulisses de cet album qui est superbe, un double album, double CD, avec deux titres inédits pour la réédition de cet album, je vais un peu vous conter, même si tout le monde connaît plus ou moins Jean-Jacques Goldman. Et qui est ce monsieur qui se cache derrière ce grand monsieur? Ben, Jean-Jacques Goldman est né le 11 octobre 1951 dans le 19e arrondissement de Paris, et un auteur, compositeur, interprète français, également producteur de variété et de pop rock principalement. Il a d'abord joué dans le groupe des Reds Mountain Goodspeller, puis avec The Phalanster et enfin avec Typhoon. Toutefois, c'est principalement sa carrière solo qui lui permet de s'imposer comme l'un des chanteurs les plus populaires de sa génération, avec des titres comme Quand la musique est bonne en 82, Je te donne en 85. Il a ensuite mis de côté sa carrière solo pendant une première partie des années 1990, donc pour fonder le trio Frederick Goldman Jones avec le franco-gallo Michael Jones et l'américaine Carole Fredericks. Outre les chansons qu'il interprète, Goldman a écrit et composé pour de très nombreux artistes, parmi lesquels on retrouve Céline Dion, Johnny Hallyday et bien d'autres. Il a également composé des bandes originales de films tels que Astérix et Obélix et des génériques de télévision. C'est enfin un artiste qui s'est considérablement engagé auprès d'œuvres humanitaires et caritatives, notamment dans les Restos du Cœur via les Enfoirés, dont il est un des fondateurs. C'est même lui qui a réalisé la chanson donc des Enfoirés, le thème des Enfoirés, qu'il parraine pendant plus de 6 ans déjà. Il est resté un membre assidu car il a décidé de mettre ça de côté. Selon un sondage paru en décembre 2012, il est la personnalité préférée des Français. Voilà, donc c'était plus ou moins pour savoir qui est Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman aussi a, donc je vous le disais, est né à Paris, dans le 19e arrondissement. Il est d'une famille juive de 4 enfants, sa mère Ruth Honbrum, son père Elters Moïse Goldman, communiste, né à Lublin en Pologne, a participé à la résistance française. Son frère cadet Robert est auteur-compositeur sous le pseudo de G. Kalpler, et sa sœur Evelyn, née en 1950, est médecin. Il avait également un demi-frère, Pierre Goldman, militant d'extrême gauche, très soutenu par les grandes figures telles que Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir ou encore Simone Signoret, auteur de 3 braquages qu'il a reconnus et pour laquelle il a été condamné à 12 ans de réclusion effectuée, condamné en perpétuité en 1974 pour affaire dans la pharmacie du boulevard Richard Lenoir, est acquitté en 1976 pour le même fait. Il est assassiné en 1979, l'acte revendiqué par des mystérieux groupes clandestins d'extrême droite, honneur de la police, demeure à ce jour élucidé. Voilà, donc c'est un peu, vous savez un peu plus tout sur Jean-Jacques Goldman. Sachez aussi que lors de ses carrières, juste avant de commencer à gravir les échelons comme ça, hein, avec les Red Mountain Spaler, il chantait. Et après, il a fait donc The Phalanster, et là, il s'est produit à Lille pendant ses études. Il a fait ses études à Lille, et donc il a joué dans des centres de la MJC en interprétant des chansons de Elton Jones, du folk et du blues. Puis après, il y a Time Phones avec donc le fameux Sister Jane's. Et après, bien entendu, tout le monde connaît la suite. C'est que du bonheur pour les oreilles, car Goldman est un très très grand. Pour ma part, dommage qu'il a mis sa carrière sur le côté, mais que voulez-vous, c'est son choix et on n'y peut rien. Ah, encore un titre de Goldman, tiens, on n'y peut rien. Allez, on va s'écouter donc premier extrait de l'album Entre gris clair et gris foncé. On va s'écouter la première chanson, c'est À quoi tu sers, et après on va commencer à rentrer dans le vif du sujet sur cet album Backstage. Tu parles, c'est facile, même sans y penser. Les mots sont immobiles, triés, rangés, classés. Les allées, laisse-les jouer, se cogner, te séduire, sensualiser, te bouger, quand ça veut plus rien dire. Swinguer les mots sans ça, on va les rétrécir. Swinguer les mots, ne surtout pas toujours les réfléchir. Les mots, l'émotion vient, les mots font l'émotion. Coûte, coûte, écoute-les bien, rythmer nos déraisons. Laissons, laissons, laissons les rires. Pas les écouter, juste pour éviter le pire. On va les déchaîner. Tu vas, tu vas, tu vas, tu vas. Les mots, tu vas. Laissons. Voilà, donc c'était le premier extrait de cet album sorti en 1987 entre Gris Clair et Gris Foncé, Jean-Jacques Goldman, backstage consacré à cet album. Alors, entre Gris Clair et Gris Foncé est un double album de Jean-Jacques Goldman sorti le 5 novembre 1987. C'est le cinquième album studio de l'artiste en solo. Le ton de l'album montre un contraste, entre certaines chansons faisant preuve d'une grande sensibilité, entre autres Puisque tu pars, ainsi que d'autres marquées par un certain cynisme comme Peur de rien, Blues, très reprise en live. Malgré tout, le thème généreux reste l'amour et l'espoir. Le style général s'inscrit bien dans le thème des années 1980, sans pour autant devenir obsolète de nos jours et trahit une forte influence de blues, comme vous pourrez l'entendre tout à l'heure. Comme c'est souvent le cas de la musique de Jean-Jacques Goldman. On retrouve dans cet album plusieurs standards de Goldman, entre autres « Elle a fait un bébé toute seule », là-bas, en duo avec Sirima qui a été assassinée. « C'est ta chance, puisque tu pars, il changeait la vie ». Nous, on ne va pas s'écouter un de ces titres-là maintenant, on en écoutera, c'est sûr et certain. Mais on va d'abord s'écouter le titre éponyme de l'album. On va s'écouter « Entre gris clair et gris foncé ». Backstage, les coulisses du son. Décolorer les messages du ciel, d'évidence des terres. Voilà donc titre éponyme de cet album entre gris clair et gris foncé de Backstage, spécialement consacré donc à cet album de Jean-Jacques Goldman entre gris clair et gris foncé. Alors, ce double album a été réalisé entre janvier et septembre 87 pour la partie 1. Oui, comme je vous disais, c'est un double album, donc double vinyle ou tout simplement double CD. Pour la première partie, les basses ont été enregistrées au studio Gang à Paris et à RRR, la Vancouver, à Montchevet. La programmation Farlight a été effectuée au studio de la Frette. Il a été terminé et mixé au studio Plus 30 et Digital Service. Pour la partie 2, elle a été enregistrée et mixée au studio Gang, sans programmation ni boîte à rythme, jouée par des êtres humains sur des instruments naturels dont des conditions quasi directes. Sauf quelques nappes de cordes synthétiques. Réalisation donc par Marc Lumbroso et Jean-Jacques Goldman. Paroles, musique et arrangements de Jean-Jacques Goldman. Conception et illustration de la pochette Cathy Steinberg. Photo Claude Gassin. Jean-Jacques Goldman a mis un petit mot de remerciement. Tous les participants à cet album, ils laissaient leur empreinte. Merci à tous pour leur cadeau de votre motivation et de votre talent. Pour ma part, j'y ai laissé des bouts de moi. À bientôt. Ça, c'est bien du Goldman. Toujours comme ça, sensible dans ses mots et dans ses paroles. Là, on va s'écouter donc une première chanson avec un duo, avec Sirima. La chanson... qui est incontournable quand on va le voir en concert, qui est Là-bas, de Jean-Jacques Goldman. Voici Là-bas. Vous écoutez Backstage. Diables et les mirages. je te sais si fragile parfois. Reste au creux de moi, on a tant d'amour à faire, tant de bonheur à venir. Je te veux marier, père, et toi tu rêves de partir. Ici tout est joué d'avance, et l'on n'y peut rien changer. Tout dépend de ta naissance, et moi je ne suis pas bien né. Là-bas, loin de nos vies, de nos villages, j'oublierai ta voix, ton visage. J'ai beau te serrer dans mes bras, tu m'échappes déjà là-bas. J'aurais ma chance, j'aurais mes droits, mais papa, et la fierté qu'ici je n'ai pas. Ce sera là-bas ou pas. Tout est neuf et tout est sauvage. Libre continent sans grillage. Beau comme on n'imagine pas. Ici même nos rêves sont étroits. C'est pour ça que j'irai là-bas. On ne m'a pas laissé le choix. Je me perds si je reste là. C'est pour ça que j'irai là-bas. Voilà, donc c'était là-bas, extrait de l'album Entre gris clair et gris foncé, Jean-Jacques Goldman, donc Backstage, spécialement consacré à cet album qui est super magnifique, comme je vous le disais. On continue ce Backstage à... Donc, entre gris clair et gris foncé. Les 9 premières chansons de l'album sont des compositions inédites, alors que les autres étaient des compositions enregistrées précédemment lors des sessions d'enregistrement pour les albums précédents, donc comme Non Homologué, Positif ou des choses comme ça. L'album est ressorti en 2000 en version intégrale. Il contient des chansons qui figurent sur l'album d'origine, mais qui, a pour des raisons techniques, manque de place sur les CD de l'époque. Et oui, à l'époque, on ne pouvait pas mettre autant de capacité que maintenant. Il n'avait pas été retenu pour les premières éditions de ce CD, comme par exemple Tout Petit Monde, qu'on écoutera tout à l'heure, et Il Me Restera. Ces deux morceaux sont sur l'édition vinyle de l'époque, et maintenant sur le CD qui est ressorti, donc de Entre gris clair et gris foncé. Il existe aussi une édition japonaise de l'album parue en 1989 et contient 13 titres, dont 5 sont issus de Non Homologué. Non Homologué, bien entendu, avec l'époque où M. Michael Jones a commencé à travailler avec Jean-Jacques Goldman, avec des titres aussi très très connus, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, nous on va s'écouter un titre, encore une fois, de cet album. On est toujours sur le premier CD, où tout est plus ou moins avec boîte à rythme et tout, et quand on passera sur le deuxième CD, vous entendrez un peu la différence de son et tout, mais c'est voulu, comme Jean-Jacques Goldman le disait, ou c'est plutôt des prises directes qu'on appelle ça des prises live dans le jargon musical. Et je vous le dirai, vous l'entendrez directement, automatiquement. Nous, on va écouter C'est ta chance de Jean-Jacques Goldman. Donc, entre gris clair et gris foncé. Backstage, les coulisses du son. Toujours Voilà donc Jean-Jacques Goldman, C'est ta chance, extrait de l'album Entre gris clair et gris foncé. Je tiens juste à souligner que C'est ta chance est sorti en single en avril 1988, single de C'est ta chance. Et bien entendu, là-bas, la chanson qu'on s'est écoutée juste avant, était sortie, elle, en novembre 87. En single. Tout à l'heure, je vous parlais de deux inédites qui ont figuré sur l'album vinyle de l'époque, qui figurent toujours sur l'album vinyle s'il est ressorti, et bien entendu sur le CD remasterisé de 2000, mais pas sur le CD d'époque. Donc de 88-87. Donc là, on va s'écouter un extrait, parce que peut-être que vous avez peut-être pas... cette réédition, donc vous n'avez peut-être pas ces deux inédits. Nous, on va s'en écouter un qui est tout simplement Tout petit monde de Jean-Jacques Goldman, Entre gris clair et gris foncé, spécial backstage de cet album. Backstage, les coulisses du son. Vous écoutez Backstage. C'est un tout petit monde où s'abritent nos saisons, petite boule ronde sous les ailes d'un avion, et partout des gens qui dansent pour oublier un instant la nuit et le silence et les peines du présent. Et les tombes et l'essentiel, le ciel, partout la même prière d'une mère qui attend que baisse la fièvre dans les mêmes yeux l'enfant. Voilà donc un inédit de Jean-Jacques Goldman, Entre gris clair et gris foncé. C'était un tout petit monde. Alors le succès de l'album est resté au top d'albums français pendant 18 semaines consécutives. Il a été certifié disque de diamant pour avoir vendu plus d'un million d'exemplaires quand même en 88, donc 87-88, c'est pas mal du tout. Hein. Là, on va passer maintenant sur le deuxième CD, où on va s'écouter donc les versions qui ont été enregistrées pratiquement quasi live, donc en prise directe, sans boîte à rythme, comme si on était en session d'enregistrement. Et voilà, on enregistre, on ne repasse pas, on ne met pas des sons par-ci par-là. Et un tube qui avait très très bien marché à l'époque, qui marche toujours bien même quand on s'écoute, c'est Elle a fait un bébé toute seule, qui était sorti aussi en single, le 5 juillet 1987. Backstage, les coulisses du son. Elle peut pas dormir. Je l'emmène au cinéma, je lui fais des câlins, je la fais rire. Un peu comme un grand frère, un peu incestueux quand elle veut. Puis son gamin, c'est presque le mien, sauf qu'il a les yeux bleus. Elle a fait bébé toute seule. Voilà, donc elle l'a fait un bébé toute seule, extrait de l'album Entre gris clair et gris foncé, Backstage, consacré donc à cet album. S'en suivra avec le succès de cet album, donc Entre gris clair et gris foncé, 1 million d'albums vendus à travers la France, et on peut dire même aussi du côté de la Belgique, car Jean-Jacques Goldman est quand même très très populaire du côté de la Belgique et d'autres pays francophones. Une grosse tournée, ils passeront même du côté de l'océan Indien en tournée avec un album live qui sortira par après, même une cassette vidéo, une VHS et une tournée qui s'appellera tout simplement Trace. On vous comptera une fois cet album live qui est vraiment superbe, où Goldman avait déjà fait une super mise en scène. On vous expliquera tout ça. Mais voilà, donc une grosse tournée juste qui a commencé en 89. Donc la tournée Trace, où il retraçait donc ses meilleures chansons. Et aussi, il jouait pas mal de chansons de l'album Entre gris clair et gris foncé. Justement, en parlant de Entre gris clair et gris foncé, on va vous donner donc quelques chiffres. En 87, il y a eu 300 000 ventes de l'album, donc ce qui fait disque de platine. En 88... 1 million de ventes, donc c'est du diamant. Tout à l'heure, je vous donnerai le détail de cet album. Et là, on va s'écouter le titre « Quelque part, quelqu'un », une chanson que j'affectionne particulièrement de cet album, donc « Entre gris clair et gris foncé ». Vous écoutez « Backstage ». Si continent dans 5 océans, quelque part quelqu'un. Voilà, donc c'est un extrait de Jean-Jacques Goldman entre gris clair et gris foncé. Alors voilà, donc je vous avais dit, hein, on va vous parler un petit peu du contenu de cet album double CD, hein, avec deux titres inédits si vous avez la nouvelle réédition. Alors, le titre « À quoi tu sers » est en numéro 1, « Il changeait la vie » numéro 2, « Tout petit monde » en 3, « Entre gris clair et gris foncé » en 4, « Là-bas » duo avec Sirima en 5, C'est ta chance en 6, en 7 début de mois. Fais des bébés en 8e position. Et puisque tu pars en 9e. Après, on passe sur le 2e CD. Donc, CD un peu plus, on va dire, acoustique, hein, si on peut parler comme ça. Avec les filles faciles en 1. Je commence demain en 2. Et la fin bébé toute seule en 3. Quelque part, quelqu'un en 4. Quelle soit-elle en 5. D'où en 6, reprendre ses volets en 7, il y a en 8, peur de rien blues en 9, il me restera en 10 et appartenir en 11. Nous, comme tout à l'heure, on parlait un petit peu des influences bluesy de Jean-Jacques Goldman et on va bien l'écouter sur cette chanson peur de rien blues de Jean-Jacques Goldman entre gris clair et gris foncé. Backstage, les coulisses du son. Il y a les choses qu'on peut faire. Et puis celle qu'on doit pas, y a tout ce qu'on doit taire, tout ce qui ne se dit pas, des vies qui nous attirent, de brûlures et de clous, oui mais ne pas les vivre, c'est encore pire que tout. De sagesse en dérive, de regret en dégoût, et avec une guitare à la main, j'ai peur de rien. Garde le silence presse le pas. Des regards qu'on détourne, des gestes qu'on fait pas. La conscience un peu sourde et pas très fière de soi. Quand la dose est trop lourde, quand le blues va un peu loin, je prends ma guitare à la main. J'ai peur de rien. Rien à dire, terrible ce morceau quand même, hein. Peur de rien, blues, enregistré donc sur l'album Entre Gris Clair et Gris Fossé, spécial backstage de cet album, touché guitare extra de Jean-Jacques Goldman quand même, très grand compositeur. Nous, il est bientôt l'heure de se quitter. Backstage vous fixe rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission Backstage. Je ne sais pas encore quel album live on va vous présenter, mais ce sera du bon, j'en suis sûr et certain. Et on se quitte avec Puisque tu pars, de Entre Gris Clair et Gris Foncé, qui était spécial Backstage de cet album de Jean-Jacques Goldman. Ciao, à la semaine prochaine. Vous écoutez Backstage. Parfois même tout donner n'est pas forcément. puisque c'est ailleurs qu'ira mieux battre ton cœur. Et puisque nous t'aimons trop pour te retenir, puisque tu pars. C'est l'horizon dans ton exil et c'est